Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio entièrement consacré aux arts visuels à Québec et en ligne ces temps-ci. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Je suis Myriam Leland à l'animation, accompagnée de Gentiane La France. Bonsoir, Gentiane. Bonsoir Myriam. Alors ce soir, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Laurence Gravel et Philippe Gagnon au sujet de leur projet Le Récital du des mandats. Oui, vous avez bien entendu. J'ai eu l'honneur de pouvoir aller faire une visite privée dans leur exposition confinée, ce qui m'a permis d'avoir une belle de vivre l'expérience de ce projet où ils explorent les différents mandats de différents organismes et Centre d'artistes de Québec. Et ensuite, en deuxième partie, c'est notre chroniqueuse Cassandra Graham qui va nous donner ses impressions sur l'exposition Jeux de Jacinthe Carrier qui est actuellement présentée sur le parvis de l'église Saint-Roch qui était présentée avant à la place Jean-Béliveau, donc sur ces panneaux de la ville qui permettent là, de faire des expositions extérieures, durables. Et, donc, un très, très beau projet de Jacinthe Carrier où elle joue avec des enfants. Et puis, c'est toi qui as fait la sélection musicale ce soir, Myriam. Oui, j'ai pas eu de gros efforts à faire parce que je dirais que c'est ma trame sonore du printemps. C'est le nouvel album du groupe français L'Impératrice. L'album s'intitule Takotsubo. Donc, c'est ça, c'est le groupe français avec des sonorités disco, électro-funk. Cet album-là particulièrement est un petit peu plus lumineux. Très printanier, avec des rythmes de basse enivrants, selon mon humble opinion, et avec une touche de mélancolie propre aux Français dans les textes. Donc, on poursuit tout de suite avec la piste Anomalie bleue. Et au retour de la pause, on écoute l'entrevue que Gentiane La France a fait avec Laurence Gravel et Philippe Gagnon. Nous sommes de retour à l'aérospatiale, Gentiane La France avec vous et j'ai avec moi au bout de l'écran Laurence Gravel, bonjour. Bonjour. Et Philippe Gagnon, bonjour. Salut. Vous avez présenté une exposition confinée qui s'appelle le Récital du des mandats. Vous collaborez sur ce projet-là depuis l'année dernière, donc c'est un projet collaboratif que vous faites là, en travaillant à partir des mandats des centres d'artistes avec lesquels vous avez collaboré tout au long du projet. J'aimerais d'abord qu'on parle du titre, donc le récital du des mandats. Pouvez-vous nous décortiquer un peu le titre, Philippe? Dans le fond, le récital du des mandats, en fait, c'est la pièce maîtresse de l'exposition, qui est comme une vidéo de 5h30, 6h, où Laurence Gravel essaye d'apprendre par cœur les différents mandats. Fait que dans le fond, le récital du des mandats, c'est tous les mandats enfilés un après l'autre. Et le récital, c'est la vidéo. Rendu là, le dû des dus, dans le fond, on a mis beaucoup d'emphase sur les erreurs puis les écarts, dans le fond, dans le récital. Puis je pense que ça... Ouais, je pense que l'idée, c'était de refaire sortir justement cet aspect, un peu faire sortir la valeur de l'échec qui est mise de l'avant un peu dans tous les œuvres, tous les projets, dans tous les... Ouais. Je pense sans doute aussi que le mot, excuse-moi de te couper, le mot récital, je le trouve vraiment important parce que c'est pas nécessairement le discours ou la parole, tu sais, c'est comme, ça peut faire une référence à quelque chose de super théâtral ou une représentation ou, tu sais, qui est autour du chant lexical, du théâtre ou de l'opéra. Fait que pour moi, c'est important de souligner le mot récital. Donc, si on parle de cette vidéo performative, qui est la pièce maîtresse là, de l'exposition qui nous accueille, on rentre et puis la vidéo est présentée en très grand format. La spectatrice est sur une scène, on descend de la scène. Et puis, on se retrouve devant cette très, très grande vidéo. Donc, Philippe, tu parlais d'une performance qui a duré de 5h30, 6h. Ce récital-là, Laurence, se fait donc sur la mémorisation de ces différents mandats-là. Donc, est-ce que au départ, tu ne les connais pas et tu les apprends tout au long de la performance et à un moment donné, tu finis par les apprendre par cœur ou tu les as appris par cœur avant la performance? Le but, ce n'était pas de les apprendre par cœur avant la performance, mais de les apprendre pendant, sauf que information complémentaire, c'était la deuxième prise. Donc, on avait déjà fait 6 heures d'enregistrement dans la prise 1. Et la semaine suivante, on a fait la prise 2. Donc, je savais déjà un peu. Par exemple, les premiers mandats qui revenaient sur ma liste de mandats à prendre, je savais plus. Sauf que, comme on a remarqué que les mandats des centres d'artistes de la ville de Québec ou Lévis ont comme une formulation assez semblable. Donc, c'était vraiment dur de les apprendre par cœur parce que des mots revenaient souvent. Je n'avais pas rien pour m'accrocher. Ça vient imprégner dans ma mémoire. Alors, pour une réponse courte, est-ce que je les ai appris par cœur? C'est non. Mais on le savait un peu d'avance. Donc, vous travaillez à partir des mandats des centres d'artistes avec lesquels vous avez collaboré tout au long du projet. Et puis, ce travail-là, vous le faites via la mémorisation des mandats, donc cet usage de la mnémotechnie. D'où vous est venue l'idée et pourquoi vous l'avez appliquée dans le cadre de cette exposition-là, Laurence Gravel? Pour commencer, je pense que moi-même, j'ai des intérêts pour le théâtre ou pour l'apprentissage d'un texte, quelque chose que je traîne un peu dans ma pratique solo. Peut-être que c'est parti un peu de là, cette idée-là de mémotechnie, sauf qu'en collectif, on l'a vu comme, évidemment, apprendre un texte pendant 6 heures, ces mandats-là qui se répètent et qui se ressemblent, on le savait déjà qu'on ne serait pas capable. Donc, il y avait un rapport à l'échec. Puis peut-être que de cette manière-là, c'était comme un parallèle avec essayer de rentrer dans un cadre, puis un parallèle avec le statut d'artiste qui joue avec l'échec. Donc, c'est ça, je pense que c'est... L'inadéquation... Ouais, je ne suis pas capable de le dire. Adéquation, inadéquation. Donc, cette idée d'inadéquation. Oui, c'est ça. Donc, cette idée de toujours être inadéquat par rapport à l'entièreté du mandat ou du discours dans lequel il faut s'insérer ou auquel il faut se plier lorsqu'on se mesure au mandat de centre d'artiste, par exemple. Oui, c'est ça. Mais si je peux rajouter, on a une pièce qui fait référence justement à cette erreur-là. Très, très, très assumés, qui sont comme des grandes banderoles au mur où on a renoté toutes les erreurs de diction et tous les ajouts. Oui, donc okay, on a accepté l'erreur. Donc cette pièce-là, justement, donc vous avez d'un côté les mandats des centres d'artistes qui sont caviardés. Donc quand on connaît les centres d'artistes, on peut les reconnaître, mais les centres d'artistes ne sont pas nommés. La Ville de Québec n'est pas nommée non plus. Et d'un autre côté, on a accès à toutes les erreurs, tous les éléments qui divergent un peu du discours de base. Pourquoi vous vouliez les mettre côte à côte comme ça et puis dérouler comme des banderoles? C'est presque des placards. Là. On est encore un peu dans un rapport très passéiste, là, si on veut, là, de la monstration. Ouais, ben je pense que on voulait que les récitals, ben le récital avec les mandats et que les erreurs soient au même niveau en fait, puis que les deux prennent une grande importance, comme que ça soit très autoritaire, là. Comme direct en rentrant, en fond, on tombe face à face avec ça, puis ça fait 8 pieds de haut, puis c'est sur fond de rideau noir éclairé, c'est super comme super contrasté, puis je pense que c'est super comme autoritaire, mais je pense que c'était important pour nous autres aussi de mettre les erreurs au même niveau que le texte à apprendre par cœur. Je pense aussi que c'était un moyen de s'approprier le récital des mandats, en fait, de s'approprier ces textes-là qui sont comme plus publics puis plus un peu administratifs. Et puis, si on se penche un peu sur l'idée de répétition qui est très dominante dans votre exposition, le récital des mandats. Déjà dans le titre, ça nous saute aux yeux. Est-ce que cette répétition là, il y a une volonté d'aller épuiser quelque chose? Puis qu'est-ce qu'on va aller épuiser avec cette répétition là? La répétition, pour moi, ça crée une cohérence, en fait. Là. Peu importe ce qui est répété, va finir par être cohérent et faire du sens et aller de soi. Tu sais. Puis je pense que c'est ça. Je pense que le rapport à la mémoire bien, vient un peu justement avec la répétition. Mais je pense aussi que on voulait jouer justement avec cette idée-là de. C'est comme de rodage, en fait, là, qu'on voit au théâtre que. De fois en fois, ça devient plus, c'est ça, plus rodé, plus un peu plus parfait, si on veut. Et puis je pense aussi que c'est un moyen de faire en sorte que l'institution, ou finalement les institutions, les organismes qu'on a choisis, qu'on a collaboré avec, rentrent un peu en nous, puis qu'il y ait une espèce de dialogue avec cette affaire-là, qu'on comprenne un peu leur langage de cette manière-là. Donc, oui, donc cette idée d'appropriation, vous avez une pratique qui s'est un peu infiltrée, si on veut, dans les centres d'artistes, puis dans le côté très, très institutionnel. Et puis, d'autre part, vous cherchiez à vous les approprier au travers de la démarche, si je comprends bien. Ouais. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est important de dire aussi qu'on notre but, c'est pas vraiment de critiquer le truc, c'est plus de vraiment jouer avec ce matériel-là. Mais oui, en effet. Mais il y a une taquinerie quand même, il y a quelque chose de très critique quand on va essayer de mettre de l'avant les différentes lacunes d'un certain système ou d'un certain ensemble sémantique. Il y a un côté critique à votre pratique et à votre démarche. Oui, il y a un côté critique, mais je pense qu'on l'a un peu mis de côté pour justement un espèce d'aspect plus disons, là, avec de l'humour, un truc comme ça. Puis, c'est assez doux aussi comme critique. C'est plus comme relever un questionnement que critiquer, selon moi, parce que justement, on a collaboré avec ces centres-là, puis on ne les nomme pas, on nomme pas les villes non plus, même si tout le monde sait c'est qui. Là, mais c'est ça, c'est plus comme un jeu qu'une critique, selon moi. Ça a apporté comme plusieurs discussions, en fait, qui allaient dans toutes les directions, là, mais qui... C'était pas vraiment pointé du doigt, je pense. Ça démarre au quart de tour, la pensée fait des tours, et plus la montre tourne, plus tu perds le nord. On te dit de rester sourd, de taper des tambours, le fond de l'air est lourd, et tu dérives encore. illusions, tu poursuis tes pulsions avant qu'elles s'évaporent. Passer les premiers frissons, passer le mur du con, t'as enfin pu dire non, et tu l'as dit très fort. Mentir pas permis, faiblir interdit, sois cool, sois poli. Dans l'ordre établi, tu cherches la sortie, bye bye les gentils. Si on se penche un peu sur le côté plus théâtral de cette démarche qui mène au projet Le Récital du Dédu des mandats, on a un livre qui fait partie de l'exposition, un livre qui est accompagné d'un casque d'écoute, et puis on vous entend tous deux en alternance encore répéter ces mandats, mais on n'est plus dans le récital, on est dans la lecture, je pense. Pouvez-vous nous expliquer le rapport entre ce livre et le texte lu qu'on entend dans ces écouteurs? Sur un socle noir est déposé un livre en cuir orange, un livre de Ellen Potter, qui est une artiste, autrice, artiste de théâtre. Là, en fait, c'est assez flou parce que c'est un livre qui date de 1891, qui, à travers plusieurs textes, essaie de documenter l'intonation de discours. Donc, elle a développé un genre de code qui nous permettrait de lire un discours selon, en fait, comment il aurait été dit. Puis, c'est ce qu'on a appliqué aussi dans les mandats. Les grandes banderoles sont accrochées sur le mur. On a recréé ce code-là, puis un code qui est un peu caché ou incompris si on n'a pas jeté un coup d'œil au livre. Puis, c'est ça, dans les écouteurs, on peut entendre la lecture des mandats avec les intonations qu'on a données. Puis, ces intonations-là sont déterminées par un genre de jeu où on a mis des intonations sur certains mots qu'on voulait mettre de l'avant, où on a joué sur le sens aussi de mots. As-tu quelque chose à rajouter, Philippe? Non, mais c'est ça. Je pense qu'on a mis de l'emphase sur certains mots, certains détails qu'on voulait relever des mandats, mais en même temps, on en a profité aussi pour jouer sur la forme, puis aussi rediriger, disons, la définition de certains mots. Parce que, mettons, production chuchotée ou dit normalement dans une phrase, ça vient comme changer le mot, ça altère, comme l'aspect oral vient changer la signification des mots. Donc, on revient à cette idée de répétition. Philippe, tu parles du mot production qui n'a pas le même sens si on le chuchote ou si on le dit fort. Production, c'est un mot qui revient dans les différents mandats. Il y a différents mots comme ça, donc toute une espèce de champ sémantique que vous avez exploré dans le projet Le Récital du mandat. Et puis, qu'est-ce que vous en retenez de ce champ sémantique-là? En quoi il fait sens au final, Laurence Gravel? J'ai l'impression qu'à travers tous ces mandats qui se répètent et ces mots qui essaie de justement de donner une impression plus unique à ces mandats-là, comme on a participé avec le centre Avatar, donc le centre Avatar est relié à audio et électronique, puis plein de choses comme ça, puis malgré que c'est une exposition à première vue qui semble assez presque robotique, des mots qui se répètent, des œuvres qui parlent toujours du même sujet, bien, nous, on a vu une valeur humaine assez importante parce qu'on a invité... l'exposition était fermée au public, mais nous, on était sur place et on a invité les gens des centres qui ont collaboré au projet dans les normes sanitaires strictes, mais quand même, sont venus. Puis on a eu des belles discussions sur les centres, souvent sur comment eux, ils voient les textes, comment eux, ils ont construit, ou sinon, ben, on revenait dans le passé, des centres qui avaient pu exister. Fait que c'était beaucoup dans l'anecdote, puis ça a apporté des vraiment belles discussions. Fait que pour moi, c'était au-delà des mots, puis ça allait plus en relation avec les autres. Donc, c'est une espèce de déclencheur, si on veut, ou de pointe de l'iceberg qui vient comme ramasser quelque chose de beaucoup plus humain. Oui, Philippe, tu allais ajouter quelque chose? Oui, mais j'allais dire aussi que ces mandats-là, cette manière d'écrire-là aussi, j'ai l'impression que ça rentre dans une espèce de logique de séduction aussi avec finalement les centres d'artistes eux aussi ont besoin de financement donc ils essaient d'avoir les mêmes mots que justement les appels de financement puis en bas de ça finalement les artistes eux ont des démarches qui essaient de faire fitter avec les mandats des centres pour justement avoir des appels de dossiers ou du financement. T'sais, j'ai l'impression que pour ne pas dire le calque, il n'est pas dans l'expo, mais il est très présent malgré tout. Tu sais. Puis je pense que justement, ça crée une genre de pyramide ou une espèce de schéma pyramidal où ce que finalement tout le monde s'influence. Puis une fois que tu es dans cette espèce de système-là, tu y participes d'une manière ou d'une autre. Tu sais. Je ne sais pas s'il y a tant que ça de la place à justement arriver avec d'autres mots ou d'autres. Oui, donc on répond à un cadre et puis c'est donc il y a vraiment une approche très très étude sociologique au final dans cette démarche là le récital des mandats de venir étudier un peu un écosystème sociologique qui est le monde artistique de Québec et puis de venir en révéler les rouages d'une certaine manière. Ouais, c'est sûr qu'on n'est clairement pas des sociologues, là, mais oui, il y a cette espèce d'approche-là. Puis c'est ça, je pense que c'est intéressant parce qu'on a vraiment eu des discussions variées de gens qui étaient dans le milieu puis qui écrivent ces textes-là, tu sais, puis qui travaillent avec ça assez régulièrement. Et pour terminer, vous avez pour une exposition qui concerne bon, le mandat des centres d'artistes, vous avez fait une scénographie qui s'écarte beaucoup, beaucoup du cube blanc. Vous êtes vraiment allé dans le cube noir, je dirais, le plus dans les codes du théâtre. Oui, on a essayé d'expérimenter ou d'explorer un aspect, c'est ça, plus théâtral, mais on se disait aussi que les gens qui rentraient dans l'expo participaient aussi à ce type de représentation-là. Donc, dès que tu rentres dans une exposition, tu regardes, mais tu te fais regarder aussi. Donc, c'est pour ça que quand on arrive, on est vraiment dans une boîte noire, comme si on était au théâtre. Il y a une très grande scène, on peut descendre, puis... en face de cette très grande vidéo, très grande performance filmée, il y a une série de bancs, style banc de théâtre, mais on peut voir d'une part la scène et de l'autre part la vidéo. Donc, ils sont dos à dos. On trouvait que justement, la personne qui rentrait dans l'expo se mettait peut-être elle-même en scène. Le théâtre, dans le fond, il n'est jamais comme pointé directement dans l'exposition, mais il est tout le temps présent, il est tout le temps en périphérie. Puis, en tout cas, pour moi, ça relie avec l'aspect de séduction un peu, l'espèce de jeu d'autoreprésentation. Bien, merci beaucoup, Laurence Gravel, Philippe Gagnon, pour cette rencontre autour du projet Le Récital des mandats qui a malheureusement pas pu atteindre un très, très grand public. On se souhaite peut-être une autre exposition du projet éventuellement après tous ces chamboulements sanitaires. Et puis, on souhaite une belle soirée. Ayo, merci. Merci. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro, et je suis accompagnée de Cassandra Graham pour sa chronique de cette semaine. Bonsoir Cassandra. Bonsoir Myriam. Donc cette semaine, Cassandra, tu avais envie de nous parler de l'exposition, exposition extérieure slash installation de Jacinthe Carrier qui s'intitule « Jeux » et qui est présentée sur le parvis de l'église Saint-Roch. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est l'installation « Jeux » ? Oui, c'est ça. L'exposition extérieure, ouais, c'est plus comme une intervention publique que justement qui est de plus en plus populaire aussi, qu'on peut voir de plus en plus avec la COVID. Là. Les centres s'adaptent aussi à cette nouvelle réalité. La mini-exposition extérieure de Jacinthe Carrier, c'est une exposition photographique, donc qui est présentée sur des panneaux, qui sont des panneaux doubles. Les photos qu'on voit, ça fait partie d'une série de photographies qui a été commencée en 2018 par l'artiste. Donc, ce qu'on peut voir, c'est vraiment un travail qui a été fait avec des enfants. Jacinthe a décidé de faire des manœuvres qu'elle appelle. Donc, c'est comme des espèces de performances où elle va amener des enfants dans des lieux finalement qui sont en tout cas inhabituels pour des enfants, là. Donc des lieux, des terrains qui sont plus industriels, des lieux qui sont plus comme formés par l'homme mais qui sont pas comme naturels, où on va pas nécessairement les jouer. C'est des lieux qui sont faits par l'homme mais qui sont pas habités par l'homme nécessairement. Non, c'est ça, plus comme mettons pas des usines, mais en même temps des lieux extérieurs, comme des fabriques, des bétonnières, des choses comme ça. Mm-hmm. Puis c'est ça, elle a amené les enfants dans cette série-là sur un terrain à Limoilou d'une compagnie de béton. Fait que là, on voit, dans le fond, les photos, ce qu'on voit, c'est des enfants jouer un peu dans une espèce de boîte chantier, finalement. Là, on se demande un petit peu ce qu'ils font, mais ce qui marque, finalement, c'est pas nécessairement oui, on voit l'environnement, mais c'est surtout l'action, les couleurs, les couleurs qui ressortent du gris par rapport à le gris poussière du béton. Oui. Mais là, on voit les vêtements des enfants, c'est coloré. Il y a comme quelque chose qui est assez mystérieux dans l'action qu'ils sont en train de faire. Couleur qui est ajoutée aussi sur les photos. Oui, exactement. Il y a une intervention qui est faite, pas sur toutes les photographies, sur certaines. OK. Puis on sent qu'il y a comme une intervention qui est assez enfantine. Donc, c'est assez ludique. On sent qu'il y a comme des petits doigts qui se sont promenés, des petits doigts de peinture qui se sont promenés un petit peu sur les photographies. Puis il y a même des brillants à certains endroits. Là. C'est sûr que tu sais, les photographies, ce sont des reproductions. Donc, c'est ça qui est assez spécial, c'est que ça a été comme agrandi. Donc, les petits doigts deviennent finalement des grandes taches de gouache, de couleur et tout ça. Puis, à certains moments, c'est même difficile de voir que c'était des photos, tellement qu'il y a une intervention. Wow. Crayon de couleur, ce genre de choses-là. On a plus l'impression que ce serait peut-être une impression ou un dessin carrément. Là. Ouais. Ou une manipulation numérique, par exemple. Hein. Ben, tu sais, ça reste assez craft, là, tu sais, assez fait main, tu sais, il y a vraiment, le geste est très présent, mais c'est, des fois, il y a tellement d'interventions que, justement, ça perd son côté de réaliste photographique, oui, mm-hmm. Puis ça laisse vraiment plus place à l'imagination, à la créativité et tout ça. Puis, on le sent déjà un petit peu de la manière que t'en parles. Qu'est-ce que t'as pensé de cette intervention publique-là, autant de l'installation que les œuvres en elles-mêmes? Moi, j'ai vraiment apprécié ce projet-là. Tu sais, c'est le parvis de l'église, c'est une place publique. Hein? C'est vraiment un lieu qui est assez passant. Donc, c'est intéressant aussi de mettre des œuvres dans cet espace-là pour voir l'interaction entre les gens et les œuvres. Moi, j'ai vraiment apprécié les œuvres de Jacinthe Carrier. Son travail, je trouve extraordinaire. Puis surtout, ce projet-là, qui est un projet qui fait un gros contraste avec la situation qu'on a en ce moment. Tu sais, c'est un projet qui se veut rassembleur, qui, tu sais, justement, l'intervention qui a été faite pour ces photographies-là réunissait 13 personnes. Fait que c'est quelque chose qui se fait plus aujourd'hui, en ce moment. Donc, c'est sûr que c'est évocateur, c'est sûr que ça vient brasser quelques émotions. C'est presque nostalgique. C'est presque nostalgique, puis ben, en fait, ça l'est un peu, oui, surtout quand on voit des enfants, c'est aussi ça, ça touche une corde sensible. Puis, tu sais, c'est un projet qui est encore en cours. Tu sais, ça dure depuis 2018, puis elle refait ses manœuvres dans différents lieux avec différents enfants à chaque année. Donc, c'est de savoir si ça va pouvoir se perpétuer, comment est-ce qu'on va adapter le projet aussi. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite de ce projet-là. Oui, ben puis j'ai lu un article du Soleil qui a été fait sur cette intervention-là, sur ce projet-là de Jacinthe Carrier. Puis elle en parlait justement lors de l'article que c'est quelque chose qui lui manquait beaucoup. Elle a travaillé pendant le confinement sur un projet qui s'appelle Huis clos, qui était plus en solitaire. Mais Jacinthe Carrier, c'est une artiste qui travaille avec la communauté, avec les gens. Oui, c'est ça. Puis elle disait justement que c'est quelque chose, elle ressentait le besoin de continuer de faire ça. Puis pour revenir aussi sur ces fameux petits doigts de peinture et tout ça, je lisais également que quand elle a fait la performance en 2018, c'était d'abord une intervention dans le lieu qui était filmée, qui avait des photos aussi, puis par la suite, elle a montré les photos à sa fille qui avait alors 5 ans. Oui, c'est ça. Oui, puis qu'elle voulait voir. Elle a laissé intervenir. En fait, c'est ça qu'elle dit dans l'article, c'est qu'elle a montré les photos, puis elle a dit à sa fille, on va voir comment ma fille va interpréter les photos elle-même. Puis là, ben, c'est un enfant de 5 ans, ben, ça sort la gouache, puis les petits brillants, puis les petits doigts qui se promènent, puis tout ça. Puis, effectivement, c'est comme elle disait que c'était quelque chose qu'elle n'aurait pas nécessairement fait d'intervenir sur ses photos elle-même. Non, puis, c'est ça. C'est vraiment inspirant de voir comme les avenues que ça peut prendre quand on sort de ces des chemins battus, finalement, ses propres habitudes, ses propres... Oui, c'est ça. Ses propres codes un peu, là, parce que les artistes ont chacun leur habitude. Toute une manière de travailler, un processus de création. Ben là, exactement. On explore d'autres manières de faire. Finalement. D'autres avenues, c'est ça. Puis c'est intéressant aussi de lire ça parce que son intervention dans la clairière de béton, je ne sais pas trop comment appeler ça. Oui, c'est ça, dans cet espace. La cour à béton. Oui. La cour à béton, on va appeler ça comme ça. Elle a simplement amené les enfants là en leur disant, en leur donnant 3 seules règles, c'était de ne pas parler, de ne pas faire de gestes violents et de respecter les autres personnes, mais tout le reste pouvait faire ce qu'ils voulaient, puis instinctivement, ils se sont mis à jouer avec les choses qui étaient là, à détruire. Elle avait aussi emporté des matériaux, des choses assez brutes, là, tu sais, des choses qui sont pas... c'est comme, en même temps, de la corde. De la farine, des pains. Ouais, des choses comme ça. Puis, les enfants se sont instinctivement mis à construire et à détruire les choses. J'aime bien l'idée aussi que, tu sais, on le voit dans les photographies, il y a la manipulation avec les mains. On se beurre, puis on en met partout. Puis oui, c'est ça. Après ça, on construit, mais après ça, on le détruit aussi. Tu sais, il y a une éphémérité aussi là-dedans. Puis souvent, en tout cas, moi, je sais que j'y pense des fois, de me dire, tu sais, on a tellement un... On veut tellement tout le temps dire, on va préserver, la chose va préserver, mais c'est dans le processus des choses aussi, des fois, d'être détruit. Puis les enfants ont beaucoup ça dans leur processus créatif aussi. Construction, destruction, là. Puis en tout cas, on le voit dans les photographies. Puis c'est un peu ça aussi qui arrive à la photographie, tu sais. On ne reste pas avec la photographie intègre, purement photographique. On vient intervenir, puis on vient comme... Dénaturer un peu. Ouais, ou comme... On n'en garde plus sa pureté, là, je comprends. De la discipline ou du médium, là, on vient comme supprimer finalement la discipline. C'est vraiment super intéressant comme piste de réflexion. Ben, merci beaucoup, Cassandra et Graham, de nous avoir parlé de ça. Donc, on vous invite à aller voir les œuvres de Jacinthe Carrier qui sont présentées sur ces fameux panneaux de la ville de Québec qu'on peut voir par-ci, par-là avec différents projets. Donc, ils sont présentés sur le parvis de l'église Saint-Roch. Nous, on se laisse pour une pause audio avec la piste Hématome, toujours du groupe français L'Impératrice. Et au retour de cette pause musicale, c'est déjà l'agenda de la semaine. Ne me parle pas de sentiments, je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant, derrière l'écran, plutôt qu'en vrai. Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Tu confonds le cœur et l'intérêt. Si tu veux jouer au compliment, fais le plus fort que je le fais. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tous tes atouts. Je voudrais m'en aller mais j'ai rien à fuir. J'étais dans la peau comme un hématome. Qui sait réparer les gens qui se brisent? Personne ne voit mes yeux qui s'épuisent. J'ai fait mettre à tes yeux des aimants. N'oublie jamais que je suis tout à toi, autant qu'à eux, évidemment. Identique, c'est la faute au code. On ne peut compter que sur nos doigts. Je me lève à l'heure du photocall pour être sûr que tu me vois. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tous tes atomes. Je voudrais m'en aller, mais j'ai rien à fuir. Comme un hématome. Qui sait réparer les gens qui se brisent? Personne ne voit mes yeux qui s'épuisent. Car à force d'y croire, j'oublie que ce monde est faux. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, toujours sur les ondes de CKRL 89.1. On vient tout juste d'entendre la piste Hématome, toujours de l'album Takotsubo du groupe français L'Impératrice. Juste avant cette merveilleuse pièce musicale, on entendait, on nous entendait, Cassandra et moi, parler de l'exposition Jeux de Jacinthe Carrier, qui est visible sur le parvis de l'église Saint-Roch, ce qui nous mène justement à notre agenda de la semaine, les choses que vous pouvez voir et dont vous pouvez profiter cette semaine. Donc, encore et toujours en confinement, un peu mince comme agenda, mais on essaie toujours de trouver des choses. Donc, comme je vous disais, les œuvres de Jacinthe Carrier sont disponibles à voir sur le parvis de l'église Saint-Roch. Puis, le 23 avril, ben, à partir du 23 avril, le film, le documentaire de Kim Obomsawin, Je m'appelle humain, sera disponible en ligne le 23 et le 24 avril sur la plateforme Tank et ce sera suivi d'une discussion autour du film avec Joséphine Bacon qui fait partie du documentaire animé par Daniel Racine en direct sur Facebook. Donc, comme je disais, c'est le 24 avril. Tous les détails de cet événement sont sur l'événement Facebook. Un très, très, très beau film que j'ai trouvé extrêmement touchant. Et puis, la semaine prochaine, il y a la Chambre Blanche qui accueille pour sa 5e micro-conférence l'artiste Baron Lataigne. Donc, le 27 avril à 14h. Donc, c'est sur Zoom. C'est une micro-conférence qui dure plus ou moins 15 minutes. C'est toujours intéressant. Et puis, si on manque le rendez-vous, il n'y a pas de problème. La Chambre Blanche va mettre la conférence disponible en visionnement différé en ligne. Et puis, dans le cadre du séminaire de Vincent Lavoie, Recherche et problématiques actuelles en art, qui est donné au département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal, c'est mercredi prochain que va se dérouler de 9 à 13 une demi-journée d'études qui a pour thème l'animalité dans l'histoire de l'art. Donc, c'est sur inscription. On se rend sur l'événement Facebook et on s'y inscrit. Donc, c'est toujours intéressant de participer à des réflexions un peu plus en profondeur là, sur des enjeux de l'histoire de l'art comme ça. Et puis, c'est comme ça que se termine notre émission, Myriam Leland, de cette édition de l'aérospatiale. Et puis, comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.wordpress.com. Et c'est aussi un très bon moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec parce qu'on y tient un agenda culturel là, le plus à jour possible. On vous invite évidemment à nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Finalement, un grand merci à nos invités Laurence Gravel et Philippe Gagnon, ainsi que notre chroniqueuse de la semaine, Cassandra Graham. Merci, Gentiane La France, d'être ma fidèle acolyte à toutes merci, les semaines. Merci, Myriam. Et un salut spécial à notre haut cousin de la mise en onde, Jacques Gignac, qu'on a encore et toujours hâte de retrouver en studio. Ça va arriver un jour, j'en suis certaine. Et on se laisse sur une dernière piste de l'album Takotsubo du groupe L'Impératrice et on se dit à la semaine prochaine, Gentiane La France. À la semaine prochaine, Myriam. À la semaine prochaine à la maison. J'aurais vendu tous mes regrets pour la feuille, mes quelques cailloux.